40 titres les plus joués en club partout en France. Le XD Club DJ Buzz sur Énergie. C'est le week-end. Découvrez jusqu'à minuit le classement référence de tous les DJ. C'est le Hit des Clubs DJ Buzz sur Énergie. Numéro 37. I don't know who you think you are. Looking like the way you do. We'll be right back. Et on l'a sur Énergie, on vient de démarrer le hit des clubs DJ Buzz. Et avant que Morgan Nagoya dévoile la suite du classement, il vous joue cet énorme kiff. C'est un garçon qui a bossé notamment avec Hardwell. Nouveauté hors classement sur Énergie, voici le nouveau Joe Stone. Vous allez la reconnaître direct. Ça s'appelle Make Love. Yeah.

c'est le hit des clubs DJ Buzz. Le hit des clubs DJ Buzz. Sur Énergie. Numéro 32. Red sun in the morning, burning as I open my eyes. Keep me close, your eyes closed. We don't need to let. She's said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale. Comme un ouf dans la suite du classement, il y a Martin Garrix qui arrive, lui qui va passer l'été avec vous. Déjà, il viendra mixer évidemment dans Energy Extravadance. Demain soir, il sera à Lille avec Energy pour le North Summer Festival. Ensuite, il enchaîne la semaine d'après, 7, 8 et 9 juillet au Green Horse Festival. Ça, c'est à côté de Rouen avec Black N notamment. Il y aura Dimitri Vegas et Like Mike. On l'écoute à fond, Martin Garrix. Il est 28e cette semaine. Et puis, juste avant, numéro 29 sur Energy, voici Kygo et Selena Gomez. Tous les matins, avec Manu dans le 6-9 sur Energy. C'est comme ça. Nouvelle étude, écoutez bien, les résultats sont tombés hier. Faire l'amour serait un bon moyen de garder la mémoire. D'accord. Ah ouais. Le sexe stimulerait les performances du cerveau. Wow. Plus on fait l'amour, plus on a de mémoire. Ah, très bien. Bim. Cool. Vous savez maintenant pourquoi je retiens jamais les prénoms. Rendez-vous lundi, 6h-9h30 sur Énergie. À nous, notre super week-end à Venise. Oh oui, j'ai trop hâte, mon chéri. Oh, mais on pourra pas utiliser notre forfait là-bas. Mais si, avec le forfait mobile free, tout est inclus. En plus, t'as 25 gigas d'internet inclus dans plus de 35 pays. Ah, mais c'est génial. Bah ouais, et on a toujours les appels, SMS et MMS illimités pour le même prix. Et comme c'est valable toute l'année, je t'emmène à Barcelone le week-end prochain. Ah, oh, mais merci, mon chéri, merci. Oh, non, ne me remercie pas, remercie free. Offre soumise à condition, sous réserve de couverture. 25 gigaoctets en 3G, facturation au-delà. Hors numéro surtaxé. Plus d'infos sur mobile.free.fr. Partez à Londres pour la sortie du film événement de cet été, Transformers The Last Night, avec Énergie. Je veux rester et je veux me battre. Connectez-vous sur Énergie.fr et découvrez les secrets derrière la légende. Transformers The Last Night. Aujourd'hui, deux mondes entrent en collision. Transformers The Last Night. Au cinéma le 28 juin avec Énergie. It's music only. Envoie dispo au 63602 et rencontre des centaines de personnes par SMS pour qui le réel vaut mieux que le virtuel. Dispo DISPO au 63602. Ne cherche plus et reviens au plus simple. Dispo au 63602. C'est simple, authentique. Pour enfin trouver l'amour, envoie Dispo au 63602. Dispo au 63602. 50 centimes plus prix du SMS INRJ. Il déclame DJ Buzz. DJ Buzz. Sur Énergie. La référence des DJ. Numéro 29. I had a dream. We were sipping whiskey neat. Highest floor of the Bowery. And I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were staying out all night. And I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you're going. But I know I won't be home. And the memories, but you know I'm gonna. référence des DJ en France. Jusqu'à minuit, c'est le hit des clubs DJ Buzz. Sur Énergie. Numéro 28. Jusqu'à minuit, le classement référence de tous les DJ. C'est le hit des clubs. DJ Buzz sur Énergie. Sur Énergie. Sur Énergie. Sur Énergie. Sur Énergie. Sur Énergie. Numéro 25. Wrist looking like it been dipped. Dipping that, dipping that, dipping that. Script looking like it been flipped. Flipping that, flipping that, flipping that. Pull up in that phone, my God. Whole squad getting that, getting that. Please say it ain't true. I think I'm gonna cop to hell. Now we can't fit in that. Wild ones. We fresh out the cage, showtime baby. Fresh off the stage, bad little mama. Fresh off the page, front like you love, but you know that you hate it. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better. Ooh. Yeah, you know no better. Say you're different, ooh, you're kidding. Yeah, you know no better. Ooh, say that talk for the ones who don't know no better. Bet.

crois qu'on est tous d'accord, clairement, le vendredi soir, c'est la meilleure teuf du week-end. Et pour vous ambiancer là, juste avant de sortir, on se fait tous les hits les plus mixés par les DJ dans tous les clubs de France. Le hit des clubs DJ Buzz avec Jack Perry, la 22e. Et puis là, sur NRJ numéro 23, voici David Guetta avec Nicki Minaj sur le featuring. You got something that I believe on. référence des DJ. Le Hit des Clubs. DJ Buzz. Vendredi soir, 22h minuit. Sur Énergie. Sur Énergie. Sur Énergie. Numéro 21. You gotta come here begging on your knees, trying to make everything better, make everything better. Hold me, how can we believe when our love is getting darker? There is no forever. Freedom left us behind the wall of the shame, the wall of the rage. Come here begging on your knees, trying to make everything better. There is no forever. Are you gonna say future together, we're gonna make it harder. Are you gonna say just to feel that. Now all these feelings never let me down. A thousand places everywhere I go, I feel the heart beating, and even far, this is my home. Oh, it never let me go. Énergie jusqu'à minuit. On poursuit le hit des clubs DJ Buzz avec celui qui sort son nouvel album dans une semaine tout pile, vendredi prochain. Nouvel album qui est super attendu là pour l'été. 18ème arrive Calvin Harris. Et puis là sur Énergie, on enchaîne direct. Numéro 19 maintenant. Voici Bassada. Take a ride down the boulevard, yeah. And your friends really wanna break us.

C'est le Hit des Clubs DJ Buzz. Le Hit des Clubs DJ Buzz. Sur Énergie, Énergie. Numéro 15. Par Morgan Nagoya qui est au platine. On a un nouveau numéro 1 à découvrir cette semaine, puisque je vous l'annonce, Luis Fonsi a été détrôné. Du coup, nouveau numéro 1 à découvrir avant minuit, avant sa suite du classement. 13e, on va écouter Enrique Iglesias. Et puis là, sur NRG numéro 14, voici Louyana dans l'huit des clubs DJ Buzz. Ça s'est passé chez Koé sur Énergie. Traumatisme dans le monde des youtubeurs. Merde, qu'est-ce qui se passe? Bartek. Oui. A changé de coupe de cheveux. Oh putain, oh my god. Oh merde, vous nous avez pas prévenu. Beaucoup de gens ont commenté, hein. Ouais. Le mec de la pub Volkswagen a dit. C'est super ça. Une auditrice à nous a réagi tout de suite. Je suis pas bien. Et nous, de notre côté. On s'en bat les couilles. 19h, 22h. Sur Énergie. Mactar, découvrez son premier single, Blabla. Mactar. Il te dit ça, faudrait un dessin. Est-ce un missile ou un message, faudrait un dessin. Mactar, premier single déjà disponible. Gagnez toute la journée. Votre compil Énergie Somme est en 2017. Tous les hits Énergie sont réunis sur 3 CD avec en exclu Ed Sheeran, Bruno Mars, Katy Perry, Jason Derulo, Boumaye, Imagine Dragons, T-Jazz, Anne-Marie, Black M et Shakira, Major Lazer, Luis Fonsi. La compil Énergie Somme est en 2017. Déjà dans les bacs.

les étapes. On aura perdu face aux jaloux et les obstacles. Aujourd'hui mon corps est intouchable. Une arme solide prête à faire face aux attaques. Ensemble on a brûlé les étapes. On aura perdu face aux jaloux et les obstacles. Que te desnude, quiero que sea. dans une telle matrix. La croisée, regardez, compliqué. Maman, si t'as connu nos vices, juste un mot, crois-moi, elle t'a déjà cerné. avant minuit. Attention, nouveau numéro 1 à découvrir dans le hit des clubs DJ Buzz. Avant ça, on va écouter Sound of Legend. Ils seront demain avec Énergie sur le United Music Festival. C'est à Valentinier, pas loin de Belfort et Montbéliard, avec Antoine Clamaran notamment. Il y aura DJ Oreska, il y aura The Parakeet. Sound of Legend 5e, 6e, on se fait Willy Williams, 7e, Jason Derulo. Et puis là, sur Énergie, juste avant, voici Shakira. Hit des clubs DJ Buzz sur Énergie, numéro 8. La vida me empezó a cambiar. La noche que te conocí, tenía poco que perder. Y la cosa sigue así. Chocó mi sostén a rayas y mi pelo a medio se. Pensaste todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando. Creí que estaba soñando. Oh, oh, oh, ¿de qué me andaba quejando? No sé qué estaba pensando. Voy para el cielo y voy pateando. Barbita. Por si quieres practicar, lo único que estoy diciendo, vayámonos conociendo, es lo que está proponiendo. Oh, oh, oh. Nos vamos entusiasmando, todo nos va resultando, qué bien lo estamos pasando. Oh, oh, oh. Me enamoré, me enamoré, lo vi solito y me lancé, me enamoré, me enamoré. Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita, me gusta esa barbita. Drink, swallow la la, swallow la la, swallow la la.

sur Énergie à minuit. Tiesto arrive pour démarrer Énergie Extravadence. Avant ça, le podium du hit des clubs DJ Buzz. On se fait les trois hits les plus mixés par les DJ dans tous les clubs de France. Et puis juste avant, futur gros hit de l'été là sur les platines de Morgan Nagoya. C'est une nouveauté hors classement que vous découvrez sur Énergie maintenant. C'est le nouveau Don Diablo. Just want you around, darling. I see the look in your eyes. You're too tired for love after working all night. Work all week and chase money. Can't you see? Real love is for free. Real love is for free. Come on. Would you save a little love for me? If you save

Romain du Hit des Clubs DJ Buzz, Nils Van Zandt, premier du classement, qui revient comme d'hab vendredi prochain, 22h minuit, juste après Koé. Et d'ici là, on est parti. Voici l'émission numéro 1 chaque week-end. Let's go. Vous entrez maintenant dans le plus grand club du monde. Toutes les plus grosses bombes dance. Toutes les meilleures exclus.